Chapitre 5e, un mois après. Que cette terre est dure et froide. Oh, par grâce, encore un peu de paille. Vrai Dieu, je n'aurais pas cru, il y a quelques jours encore, qu'une botte de paille pût devenir l'objet de ma plus ardente ambition. Un guichetier s'approcha en ce moment du prince de Chalais, car le prisonnier n'était autre que le pauvre Henri, et s'occupa de rendre sa couche un peu moins dure. Que ces fers sont lourds, ils me coupent les bras, ils me rompent le corps. Singulier bracelet, vraiment, et merveilleux collier pour celui dont les mains portaient les plus beaux diamants de France, et qui suspendait à son cou des chaînes d'or soutenant les décorations de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Le guichetier prit des pinces et desserra les fers, de façon à ce que Chalais n'en souffrit plus. Au moment où cet employé de la prison penchait la tête sur les mains du jeune prince en élargissant les anneaux de ses chaînes, une faible lueur tomba de la meurtrière sur la figure de cet homme. « Il me semble que je vous connais, » observa Chalais en le regardant. « Quel est votre nom ?»« Lamont. »« Ne vous ai-je pas vu quelque part ?»« Oui, sur la route de Fontainebleau, à quelques pas de Limours. »« Où vous m'avez ramassé mon nœud d'épée ?»« Oui, monseigneur. » J'avais quitté Nantes momentanément pour transférer à Vincennes le seigneur Ornano, notre prisonnier, et je revenais ici quand je vous ai rencontré. Et d'où me connaissez-vous alors? J'avais vu votre Altesse dans les fêtes publiques. Reconnaissant de votre générosité envers moi, dès que vous êtes entré ici, j'ai demandé l'honneur de veiller à votre porte, et on a bien voulu me l'accorder. Mon pauvre Lamont, vous avez là un triste emploi. Il y a bien longtemps que je vis entre les murs des geôles, que je n'ai de relation qu'avec ceux que la loi déclare déchus de leur titre, de leur fortune. Mais je n'ai jamais trouvé aucun prisonnier qui m'inspirât autant de respect que votre seigneurie, ni qui éveillât autant l'intérêt public. On ne m'oublie donc pas encore. Au contraire, on s'agite de tous côtés à votre égard, on s'informe des plus petites choses relatives à votre détention, on s'arrête dans les rues pour se demander des nouvelles de votre procès. On ne comprend pas comment, de votre rang, vous êtes tombé dans notre prison. Mais sans doute votre seigneurie conserve bien des espérances. Oui, grâce au ciel. D'abord, Gaston ne m'abandonnera pas. On lui a offert, à la condition d'entrer dans le parti du roi et du cardinal, la main de mademoiselle de Montpensier, qui lui apporte 300 000 écus de rente et grand nombre de principautés, duchés, baronnies, etc. Tandis qu'il recevait lui-même un brillant apanage. Mais c'est un pacte par lequel il serait forcé d'accepter le joug du ministre, de renier ses amis. Je suis sûr qu'il refusera. Puis la femme qui vous aime est bien puissante. Oui, toute puissante auprès de la reine, qui a elle-même par instant quelque pouvoir auprès du roi, lorsque le cardinal ne se place pas trop entre les deux époux. Votre seigneurie a encore d'autres amis puissants. Sans doute. Mais je pense qu'en ce moment ils s'enivrent, dansent ou chassent, sans s'apercevoir qu'un chasseur manque à leur côté. Je n'espère qu'en ma mère, cœur adorable, trésor de toutes les vertus. Oh mère, ma mère, qu'un modèle, que la seule vue d'un objet qu'elle aurait touché me ferait du bien. » Le guichetier tire un papier de sa veste. « Prince, voici une lettre d'elle. »« Une lettre, oh mon Dieu! Oh mon ami, que je te remercie !» Et il serra sur son cœur, avec le papier béni, la main qu'il lui tendait. Lamont frappa une pierre à feu qu'il tenait sur lui, et alluma une lampe de fer qui se trouvait à la muraille. Puis, appuyant un petit registre sur son chapeau, il se mit à écrire quelque chose, tandis que le prisonnier lisait avidement la lettre suivante. « Madame de Chalais à son fils. Nantes, 17 octobre. Mon enfant, au nom de ta mère et au nom du Dieu qui nous regarde, arme-toi de courage dans le malheur où tu es tombé. Tu seras sauvé, mon Henri. Tu le seras bientôt, car tout ce qu'il est possible de faire pour te rendre à la liberté sera fait. Tout ce qui est puissant sera imploré. Tout ce qui a quelque influence sera gagné par les grâces et les présents. Il est impossible qu'une accusation aussi peu importante ne tombe pas d'elle-même, qu'une innocence comme la tienne, mêlée d'une seule tâche, ne soit pas relevée. Agir pour toi, mon enfant, est la seule chose qui me retienne à la vie. Depuis cette funeste soirée du 30 septembre, j'ai plus souffert que ma bouche ne pourra jamais le dire. Je n'aurais pas cru que l'existence pût résister à tant de coups. Le tableau de ta misère est sans cesse devant moi. Il me semble qu'un démon me ronge le cœur. J'ai pris en horreur l'aisance qui m'entourait. Ces meubles, ces tentures, ce feu, ces lumières dont tu es privé, tout ce bien-être qui me semble une insulte à ta situation. Je ne nourris que d'un peu de pain et d'eau, et le soir je m'étends sur la dure. J'ai pris le deuil, non ce deuil qui consiste à garder la beauté de ses vêtements en leur donnant la couleur noire, mais le deuil qui repousse toute richesse, tout ornement. Je me suis enveloppé d'une robe de bure. Mon fils, pardonne-moi de te parler de ces choses. C'est qu'il me semble qu'il y a une douceur pour toi, à savoir qu'un être au monde ressent toutes les douleurs, partage en réalité tous tes maux. Hélas, peut-être, penses-tu que tes amis de cour, tes compagnons de plaisir t'oublient. Peut-être distingues-tu, à travers les barreaux de ta prison, le bruit éloigné des cavalcades et quelques sons de leur fanfare royale. Alors au moins, tu peux dire qu'une amie plus fidèle partage tes maux, qu'un être qui t'aime vit dans le froid, dans l'ombre, dans la misère, comme toi. Quand une larme tombe de tes yeux, tu peux dire que celle d'une autre ne cesse de couler. Hélas, il plaît à la Providence de faire cruellement payer à ta mère l'orgueil et la joie qu'elle a eue pour toi. Mais ne murmurons pas contre Dieu. Cette lettre qu'il m'a permis de t'écrire est le premier adoucissement à nos maux. Oh, que les consolations que le ciel voudra bien maintenant verser sur nous ne s'arrêtent qu'en ta délivrance. En même temps que Chalet lisait ses pages mouillées de larmes, le guichetier rédigeait la note suivante. Rapport de Lamont, serviteur de son éminence le cardinal de Richelieu, 29 octobre. D'après les instructions qui m'ont été envoyées par son éminence, j'ai fait quelques concessions au prisonnier afin de gagner sa confiance et lui ai remis la lettre de sa mère qui avait passé préalablement sous les yeux de Monseigneur le cardinal. Aujourd'hui, placé près de lui comme remplissant les fonctions de guichetier, voici ce que je puis ajouter à mes premiers renseignements. J'ai obtenu de la bouche du prisonnier l'aveu de tout ce qui s'est passé. Il a été entraîné dans le parti de la révolte, premièrement par son enthousiaste amitié pour le prince Gaston et les deux Vendôme, deuxièmement par son amour pour la duchesse de Chevreuse, ennemie personnelle de Monseigneur le ministre. Il compte, pour sortir du danger où il se trouve, sur le secours de son Altesse royale Monsieur, qu'il juge incapable d'abandonner ses partisans, sur l'intercession de la duchesse auprès du roi, surtout sur l'amour et le courage de sa mère. Le prisonnier ne paraît éprouver aucun remords de ce qu'il avait osé projeter, ni prêt à revenir à des sentiments meilleurs envers son éminence le cardinal, s'il était rendu à la liberté. Ses aveux et son impénitence sont plus que suffisants pour obtenir sa condamnation. Signé Lamont. La duchesse de Chevreuse était à sa toilette. Elle venait de mettre une robe de satin blanc, dont le corsage à pointe dessinait l'étroit contour de sa taille sur une jupe amplement froncée. Les manches tailladées laissaient passer des crevés de pourpre. Elle avait au cou un seul rang de très grosses perles. Des perles semblables formaient ses boucles d'oreilles, se mêlaient à ses cheveux, entouraient sa taille et pendaient en gros glands jusqu'à ses pieds. Ses cheveux châtain clair étaient frisés en petites boucles tout autour de son visage et formaient une riche couronne derrière la tête. Une jeune Anglaise, fille d'un officier de la maison de Buckingham, que la duchesse de Chevreuse avait prise à son service et qui était sa dame d'atour favorite, la regardait avec un mélange d'admiration et de pitié et lui disait « Oh, beautiful! Quelle grâce et quel éclat! Madame peut-elle demeurer ainsi toujours belle au milieu de tant de douleurs ?»« Que veux-tu? Les larmes ne marquent pas sur le visage des femmes. C'est notre métier à nous d'être belles, d'être radieuses. Quelques vers qui rongent le sein, il faut que la fleur s'épanouisse, car la cour a besoin de tous ses ornements. Depuis que la famille royale est dans sa résidence de Nantes, depuis que nous habitons cette ville, où l'infortuné Chalet gémit dans un cachot, j'avais constamment refusé de prendre l'apparence du plaisir, de me montrer ainsi sacrilège envers son malheur. Mais la reine, qui est presque seule au milieu des cardinalistes, a besoin de me sentir à ses côtés. Voici l'aumônier de madame, son éventail de plumes, sa châtelaine. Madame veut-elle sa mante doublée d'hermine ? La duchesse prenait ses objets avec distraction et disait encore « Oui, il faut être belle ou on nous punit par l'ironie et le dédain. Oh, misérable destinée !»« Very good. Madame dans ce costume est aussi jeune que jamais. »« Peut-être. Dans mes 20e années, je n'avais qu'acheter des ornements sur moi pour être parée. À présent, il me faut être sur mes gardes et bien choisir. » Madame est autant aimée aujourd'hui que jamais. Et dans notre doux pays de Galles, c'est à cela qu'on mesure la beauté. Oh oui, on m'aime bien encore, j'en suis sûr, mais ce n'est pas assez. Oh, tenez, madame, il y a plus que de la lumière dans vos yeux qui ont tant pleuré. Oui, mes yeux sont séchés, et Chalet plus menacé que jamais. Lui qui est entré dans cette folle conjuration pour l'amour de moi, pour me délivrer d'un ennemi. Encore si cet amour était ce qu'il pense. Mais hélas, je ne l'ai jamais aimé comme il le croit. Il manquait là l'étincelle divine. Quand j'ai renoncé à Buckingham, parce que la reine avait jeté les yeux sur lui, quand j'ai eu l'affreux courage de céder l'homme que j'adorais, je devais joindre à ce sacrifice celui de former une autre liaison pour qu'Anne d'Autriche fût bien paisible dans son triomphe, bien heureuse dans sa possession. Je l'ai fait, mais c'en est trop pour moi. Oui, c'était au-dessus de vos forces, car toute votre nature en a été changée. Oserais-je le dire, madame ? La piété qu'on voyait autrefois en vous a disparu. Ce n'est plus devant votre crucifix que vous allez pleurer. Et veux-tu que je lui demande ? Je me suis ôté moi-même le bonheur que Dieu m'avait donné. J'étais uni à l'être le plus parfait de la terre. Il m'a plu de briser ce nœud, de le céder à une autre. J'étais à moi-même la puissance infernale qui déchire le cœur, empoisonne la vie. Vous aviez choisi entre tous notre dear Lord, Basson de l'Angleterre. Et j'éprouvais alors tant de douceur à entendre dans ta bouche cet accent anglais qui est le sien. Vous l'aimez toujours de même. Oh oui, je l'aime. Il y a des moments où cette aureole de grandeur qui l'environne me rend prête à tomber à ses genoux. Oh, c'était trop de bonheur pour une simple femme d'être aimée de Buckingham, de cet homme qui porte sur son front la majesté de trois royaumes, qui resplendit des diamants de la couronne, qui tient la paix et la guerre dans ses mains, qui arme des flottes, soulève des nations d'un seul mot de sa bouche. Et j'ai entendu cet homme me dire qu'il m'aimait. Buckingham, lui, mon Dieu. Et vous y avez renoncé si vite. C'est que j'aimais mieux prendre les tourments de la jalousie pour moi que de les laisser à la reine. Si j'étais amant de Buckingham, j'étais avant tout favorite d'Anne d'Autriche. Il faut mourir à ce poste et non en descendre. Cette volonté est plus forte que l'amour même. Ce besoin d'un premier rang et d'une haute puissance est si violent en moi que par moments je le crois répandu dans mon sein par un pouvoir surnaturel. Il me semble qu'un lien occulte m'attache à ces trésors du monde et m'en rend esclave. Par un hasard effrayant, j'ai hérité à la fois de la fortune et de la position de la maréchale d'Ancre, de cette femme qui fut brûlée en place de grève pour avoir forcé son rôle dangereux de favorite de la souveraine. Ses bijoux, ses antiques chaînes d'or, ses massifs bracelets ont appartenu à la Concini. Elle les a portés, elle les a aimés peut-être. Cette épingle vénitienne dans laquelle elle cachait du poison, cette bague qui lui a été remise, dit-on, par un magicien, la nuit, dans le cœur d'une église, toutes ces choses ont touché cette femme, qui puisait peut-être dans des relations avec des êtres maudits, dans l'exercice d'un art sacrilège, les moyens de fixer le cœur de Marie de Médicis. Et les voici entre mes mains, sur moi. Ces objets ont conservé le poison dont elle les imprégna. Ils le communiquent à mon sang, ils le brûlent, le dévorent. Ils ont consumé dans mon sein la piété et l'honneur. Aussi, il est des passions qui entraînent tout avec elles. L'être le plus fort serait vaincu par ces deux terribles puissances, l'ambition, l'amour. Comment avez-vous pu, mon Dieu, leur laisser envahir le cœur d'une faible femme ? Madame, 8 heures ont sonné, il est temps de paraître. Oui, c'est vrai, nous dansons ce soir. Nous danserons peut-être le jour du supplice de Chalet. Car le sang ne marque pas plus sur les mains des hommes que les larmes sur les joues des femmes. Allons. En disant cela, la duchesse retomba sur son fauteuil, privée de mouvement, brisée par les angoisses qui ébranlaient sa poitrine. En ce moment, on introduisit un domestique à la livrée du roi, qui lui remit une lettre au sceau de son maître et sortira. Louis disait à la duchesse de Chevreuse que la grâce de Chalet, tant sollicitée par elle, lui serait accordée à une seule condition, qu'il tenait à elle de remplir. Sa Majesté lui expliquerait quelle était cette clause dans une audience qui aurait lieu le lendemain à 9 heures du matin. Après avoir lu ces mots, Valentine tomba à genoux et fondit en larmes. « Merci, Seigneur, s'écria-t-elle, Chalet vivra !»